نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبدأ ونشرع في دراسة كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن الختام وبعد هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد كما ذكرناه آنفا هو كتاب كتبه العلامة الحافظ المقريزي رحمه الله تعالى واسمه ونسبه هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم المقريزي والمعروف بتقي الدين أبو العباس وقيل أبو محمد وقيل أبو محمد وهو البعلباكي الأصل وهو البعلباكي الأصل وهو المصري الحنفي ثم الشافعي ثم الشافعي Donc on va commencer inshallah sur l'étude d'un nouveau livre qui se nomme تجريد التوحيد المفيد التجريد أو تجريد التوحيد المفيد d'un grand savant qui se nommait Ahmed, le fils de Ali, connu sous le nom de Al-Maqrizi. Al-Maqrizi. Donc c'est un savant du 9e siècle, fin 8e siècle, début 9e siècle de l'Égypte. Et Cheikh, qui était surnommé aussi, qui était connu sous l'appellation de Taqiyuddin al-Maqrizi, il était al-Ba'labaki al-Asl. Il est né en terre d'Égypte. Et il était d'obédience hanafite. Au niveau du droit, et au niveau de la jurisprudence, il était d'obédience hanafite. Plus tard, comme on le verra, ensuite, il deviendra un savant d'obédience shafi'ite, du madhab shafi'i. Et l'imam al-Maqrizi est célèbre chez les savants du fait que c'est une célébrité, un personnage qui a joué un rôle dans l'enseignement du savoir et dans la propagation de la science en son temps. C'était un contemporain du grand savant, l'érudit Al-Hafidh ibn Hajar, Al-Asqalani, le grand auteur de l'explication du commentaire de l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Ils étaient contemporains, il a vécu à cette époque. Et d'ailleurs, comme vous allez voir, Al-Hafidh ibn Hajar, l'érudit ibn Hajar, justement, a fait une biographie et a parlé plutôt. A parlé, fait l'éloge de l'imam al-Maqrizi, comme on verra dans ce qui va suivre. Donc on va parler d'abord de l'auteur, on va parler de l'œuvre, comme on va parler du domaine qu'on va étudier, vu l'importance de ce sujet. D'abord, en ce qui concerne le domaine. Le domaine qu'on va étudier, c'est un livre dédié au domaine de l'unicité, Ilm al-Tawhid. À savoir que ce livre est très important, et ce qu'il renferme est immensément important pour le croyant et la croyante. Du fait que la da'wa des prophètes et des messagers, tous les prophètes depuis le premier messager Nuh alayhi salam jusqu'au dernier, celui qui a parachevé la prophétie, le sceau de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la da'wa de tous les prophètes et des envoyés d'Allah était d'appeler les gens à un monothéisme pur, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les êtres humains qui ont compris la raison et l'objectif pour laquelle ils ont été créés et qu'ils croient en cet objectif pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Une traduction rapprochée relative du verset. Donc ça, c'est un enseignement immense de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Donc nous sommes sur terre pour réaliser at-tawhid, pour réaliser l'unicité d'Allah et donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans le tafsir de ce verset, il est dit illa liyuwahhidu. Il est dit pour qu'ils croient en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils l'unifient. Après, avec la divergence en français, est-ce qu'on peut réellement utiliser le verbe unifier en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala fiha nazar? Il y a une réflexion à cela d'utiliser le verbe. C'est vrai que c'est plus simple de dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la seigneurie, que ce soit dans l'adoration. Lakin fiha nazar. Mais il y a une réflexion à faire sur ce mot. Est-ce qu'il peut être utilisé? Wallahu a'lam. Ça, c'est dans la terminologie française. Al-Muhim, moi, je préfère éviter le terme unifié, mais rester dans l'affirmation de l'unicité, la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Il nous a permis de jouir des bonnes choses de cette vie d'ici-bas, de vivre. Et il nous a rendu licites les boissons, les aliments, et il a mis à notre disposition tout ce qu'il y a sur terre qui sont au service des êtres humains. Donc Allah Azza wa Jal nous a permis de jouir, de vivre dans cette vie d'ici-bas et de prospérer et d'utiliser ses bienfaits. Et de jouir de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés. Mais il y a un objectif pour lequel on a été créé, c'est de lui vouer un culte pur. C'est de réaliser l'adoration pour laquelle il nous a créé. Et pour cela, il a envoyé des prophètes et des messagers. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces années à la Mecque, toutes ces années, il prêchait, il appelait son peuple à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les grandes adorations parmi les piliers de l'islam, comme la prière, la zakat, le jeûne du mois du Ramadan, n'avait pas été encore légiféré, n'était pas encore légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que vous savez, par exemple, cette grande adoration parmi les plus grandes adorations qu'Allah jalla wa ala a légiféré, as-salah, la prière, elle n'a été légiférée comme on la connaît, les cinq prières obligatoires prescrites, que quelques années, quelques temps avant l'égir, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et c'était pendant ce célèbre épisode et événement immense pour tous les croyants, ce qui s'est produit, l'ascension et le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et ça, ça a eu lieu quelque temps avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À quoi appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la prescription des prières quotidiennes, avant la prescription de la zakat, avant la prescription du jeûne du mois du Ramadan, avant la prescription du pèlerinage comme on le connaît? Kana Nabi sallam yad'u ila tawhidillah jalla wa ala. Le prophète sallam appelait à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de ce fait, le musulman, la musulmane ne doit jamais cesser ou bien se lasser d'étudier ce domaine. Même s'il a excellé, et on va à l'extrême, même s'il a excellé dans le domaine depuis de nombreuses années, Il étudie le domaine et lit et fait de nombreuses recherches et, on va aller même plus loin, a des écrits dans le domaine et doit toujours se faire le rappel, réviser et continuer son observation et son étude de ce domaine qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, il a le mamat. Et cela jusqu'à la mort. Et puis la personne reste attachée à cela, reste attachée à ses bases, plus alors il est espéré pour lui de mourir sur cela. Regardez, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous parle des prophètes et des messagers. Et souvent, on voit que l'invocation des prophètes et des messagers était de demander à Allah Azza wa Jal qu'il les fasse mourir en tant que musulmans. En tant que musulmans. Donc, c'est ça l'objectif du croyant et l'espérance du croyant. C'est de quitter ce monde en espérant partir et le quitter en étant musulman. On va tous quitter ce monde. Les gens vont tous sombrer dans les abîmes de l'oubli. C'est-à-dire, on va tous être oubliés. Lorsque la personne décède, les gens vont le pleurer quelques jours, quelques temps, à un moment, mais arrive à un moment, même ses proches, les gens qu'il aimait le plus, vont continuer leur vie. C'est naturel. Ils vont continuer leur vie, et lui, il est dans sa nouvelle demeure qui est la tombe. Et arrive un moment, il sera oublié. Et pour les meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire des défunts, ceux qui sont maintenant dans le monde intermédiaire, la tombe, les meilleurs d'entre eux, eh ben ils sont évoqués. Les gens ont des souvenirs d'eux. Ou bien ont des souvenirs d'eux, se rappellent d'eux par rapport à une science profitable qu'ils ont laissée, par rapport au ilm qu'ils ont laissé, comme c'est le cas des ulama, ou ahl al-ilm, des grands savants, des élites au niveau du ilm et de la science, qui eux, malgré des siècles et des siècles, eh ben, leur nom est évoqué. Et leur nom est toujours cité. Et leurs œuvres sont enseignées, sont étudiées. Comme pour ce savant, dont son livre est entre nos mains, Al-Sheikh, Al-Allama, Al-Imam, Al-Maqrizi, Rahmatullahi Alayh. Alors qu'on a dit que c'est un savant du 9e siècle, qui est décédé en 845 de l'Hégire. Il est décédé en 845 de l'Hégire, comme on le verra, et il est né en 766. Plus exactement, sa naissance était en 766 et il décédera en 845 de l'Hégire. Donc, comme on va apprendre à travers cet écrit et à travers cette œuvre, comme vous avez vu la traduction, regardez le titre. Déjà, le titre est vraiment lourd de sens. Il nous donne un peu, ici, un avant-goût à cette œuvre. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Qui est souvent traduit, on reste sur cette traduction souvent, le Tawhid à l'état pur. Pourquoi ? Parce que ceux qui veulent trouver le livre, ceux qui veulent revenir et trouver le livre, ils vont le trouver en français sur ce titre-là, le Tawhid à l'état pur. Sinon, si on observe bien le titre, le Tawhid à l'état pur, la traduction est correcte. On ne remet pas en cause la traduction est correcte, mais plus exactement, pour décortiquer un peu le titre, Tajrid al-Tawhid al-Mufid, c'est dans le sens la décortication de l'unicité bénéfique. Pourquoi ? Parce que le mot en réalité, tajrid, jarrada, ou jarridu tajridan, le terme tajrid, c'est dans le sens dépouiller quelque chose d'une chose. Dépouiller quelque chose. Il soit dépouillé d'une chose. C'est dans un sens. Mais lorsqu'on dit quelque chose, il peut avoir le sens aussi décortiquer la chose. Il peut venir dans le sens de décortiquer vraiment la chose. Allahu a'lam sur le voulu de l'auteur. Mais il semblerait, à l'observation du titre, pour une traduction vraiment, pour qu'on s'en rende compte vraiment du titre. Et le titre, c'est l'auteur lui-même qui l'a intitulé son écrit de la sorte. L'auteur lui-même, quand on va commencer la lecture du texte, l'auteur lui-même dit « Sammaytuhu ». Je l'ai appelé, je l'ai intitulé, c'est-à-dire son écrit « Tajrid al-Tawhid al-Mufid ». D'une manière littérale, dans une traduction littérale, en français on pourrait dire « la décortication de l'unicité bénéfique ». Et en quelque sorte, l'auteur ici va vraiment décortiquer le sujet, surtout « al-Tawhid al-Uluhiyya ». Surtout « Tawhid al-Uluhiyya ». Pourquoi ? Parce que « Tajrid al-Tawhid al-Mufid » est dédié justement à l'unicité de l'adoration. Et cet écrit, vous allez voir, est spécifique, est dédié à ce domaine qui est l'unicité de l'adoration. Bien sûr, il y aura allusion à l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya. Il va faire allusion, bien sûr, au début de son écrit, à cela. Mais il sera surtout axé sur le Tawhid de l'adoration. Et vous avez pu constater, et ça c'est très important, lorsqu'on a mentionné la date de naissance, à quel moment a vécu l'auteur, il est décédé en 845 de l'Hégire, on va observer, à travers l'étude de cet écrit, de cette œuvre, que l'auteur va vraiment, vraiment traiter le sujet de Tawhid al-Uboudiyya, al-Uluhiyya, comme on l'a dit précédemment. Et on verra que plus tard, si on observe les écrits du grand savant, l'auteur de Kitab Tawhid, Mohamed ibn Abdel Wahhab, vous allez voir que lui, l'auteur du livre de l'unicité, est venu bien après. Pourtant, vous allez voir que l'auteur du livre de Kitab Tawhid, ce qu'il va enseigner, ce qu'il va écrire dans ses livres et dans ses œuvres, c'est exactement ce qu'ont enseigné des grands savants avant lui, qui sont venus des siècles avant lui. Ce qui prouve que l'unicité qu'a enseigné l'auteur dans cette région où il vivait, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Les enseignements qu'il enseignait, ce n'est pas une nouvelle conception de l'unicité, mais elle était enseignée bien avant lui, comme on verra à travers l'écrit de l'imam al-Maqrizi. Pourtant, l'imam al-Maqrizi, comme on a dit, c'est un savant qui est né en région vers l'Égypte. C'est pour ça qu'il était d'origine égyptienne. Et Taqi ad-Din, connu sur al-Maqrizi, et il naquit, il évolua dans une famille pieuse et vertueuse. Son père était savant. Donc dans sa biographie, comme il est dit, comme des savants contemporains à lui l'ont dit, il est né dans un environnement qui était propice, dans une famille pieuse, vertueuse. Pour cela, tout jeune, il a mémorisé le Coran. Et depuis son jeune âge, il a commencé à apprendre l'ilm, le savoir, auprès de grands savants de son époque, des grands théologiens et érudits de son époque. Pourquoi je stipule cela ? Parce que maintenant qu'on a parlé, on a fait un bref rappel sur le domaine qu'on étudie, qui est d'une immense importance, on doit toujours se faire le rappel de ce domaine. Alors maintenant, l'auteur, de qui on va prendre ce ilm et ce savoir ? C'est pour ça que je fais une très brève biographie, enfin je lis, c'est pas moi qui l'a fait, je lis certains points de sa biographie qu'ont enseigné les savants. Pour savoir de qui on apprend et on prend ce savoir. Et c'est rassurant. C'est rassurant et ça encourage. Et ça donne envie ensuite de lire lorsqu'on sait qu'on prend la science de grands personnages. À savoir que ces rappels, je me rappelle qu'un shir à l'époque, qui était venu à l'époque dans la ville de Jeddah. l'une des villes du royaume qui est célèbre, hein, Jeddah. Beaucoup, lorsqu'ils font le petit pèlerinage, ils descendent à Jeddah pour se rendre à la Mecque. Un jour, un shir qui est venu dispenser, donner une conférence à Jeddah sous le thème de Ashrat Sa'a. Il était venu enseigner les signes de la fin des temps. Alors, au début de son assise, avant de rentrer dans le sujet, il a remercié et fait dua à ceux qui étaient présents, parmi les frères, parmi les sœurs, parmi ceux qui étaient venus écouter et apprendre. Et il a dit une très belle parole qui fait un grand rappel. Il dit que les assises qu'on fait entre Salat al-Maghrib wa al-Isha, entre la prière du Maghreb, les assises comme ça devraient être existantes. Tous les jours, on devrait les faire. Entre Salat al-Maghrib wa al-Isha. De faire des assises dans la mosquée, dans les maisons d'Allah Azza wa Jal, de faire ces rappels-là et d'assister et de se faire le rappel tous les jours. Entre le Maghrib wa al-Isha. Entre le Maghrib wa al-Isha. Et il a dit une bonne cause. En disant, il dit tous les jours, pour cette vie d'ici-bas, on commence de Salat al-Fajr jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Tous les jours, les gens, de Salat al-Fajr, du matin, eh ben, ils sont en activité et ils œuvrent pour cette vie d'ici-bas, jusqu'au soir. Donc, toute la journée, ils œuvrent pour cette vie d'ici-bas. Alors, il dit, est-ce qu'on ne peut pas donner un peu de temps entre le Maghrib et l'Isha pour notre au-delà, pour la vie de l'au-delà. Et lorsqu'on réfléchit, c'est vrai, notre routine, souvent, c'est que après la prière du Fajr, ça y est, la personne y commence sa routine, sa journée, et donc ses préoccupations pour l'acquisition des biens d'ici-bas, et cela jusqu'au Maghrib, et certains, voire plus encore, jusqu'à la nuit. Alors le cheikh, il dit, toute la journée, on est dans nos occupations pour l'acquisition des biens de cette vie d'ici-bas, alors, au Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha, on peut donner quand même ce temps pour l'au-delà. C'est pour ça que les rappels, alors imaginez-vous la récompense du rappel, l'importance du domaine d'apprendre l'unicité, parce que ça doit perdurer, et la qiyam sa'a, c'est notre obligation à nous, notre génération, d'apprendre le tawhid et de l'enseigner. Ensuite, les générations prochaines devront aussi apprendre le tawhid et l'enseigner. Et comme cela. Et donc, nous, il faut faire notre devoir. Comme l'ont fait les savants des générations précédentes et comme l'ont fait avant eux, al-anbiya wa al-rusul, les prophètes et les messagers. Et donc, c'est pour cela que l'importance d'apprendre ces écrits de ces grands savants. L'imam al-Maqlisi, comme on a dit, ce savant du 9e siècle, regardez, il va écrire dans ce domaine. Alors que c'est un savant qui sera connu pour être un érudit dans le hadith et l'histoire, et tarikh. C'était un spécialiste de la science de tarikh, l'histoire. Et aussi, il était érudit et spécialiste dans ilm al-hadith. Et tellement qu'il maîtrisait les sciences du hadith, certains à son époque le nommaient al-Zahiri. Ils disaient que c'était un zahirite, un littéraliste. Alors qu'en réalité, il n'était pas d'obédience zahirite. Mais il était tellement attaché au hadith que certains ont dit que c'était al-Zahiri. En français, ils appellent ça les zahirites, les littéralistes. Alors que lui était attaché à la sunna et au hadith du prophète. Et aussi, il a excellé, comme on le verra, dans la science de tarikh. C'est pour ça qu'il y a un célèbre livre, vous avez dû déjà entendre, qui s'appelle Al-Khutat. Al-Khutat al-Maqlisi. Un célèbre livre qui relate les chronologies de al-Maqlisi, un livre d'histoire. Il a des écrits dans l'histoire. Il était érudit, spécialiste. Il a excellé aussi dans le domaine de l'histoire. Et donc, comme on a dit, il a évolué dans une famille pieuse et vertueuse, et il a été nommé plus tard Al-Maqrizi. Pourquoi Al-Maqrizi? C'était le nom du Hay, du Shari', du quartier où il a grandi, qui s'appelait Al-Muqaraza. Le quartier où il vivait, où il a grandi, s'appelait Al-Muqaraza. Et donc plus tard, eh ben, il a été attribué à ce quartier, il a été nommé Al-Maqrizi. Donc son appellation, cette attribution Al-Maqrizi, c'est lié au quartier où, où le Cheikh a grandi, rahimahullahu ta'ala. Taïb. قيل في ترجمته وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال نشأ حسنة وحفظ كتابا في مذهب أبي حنيفة تبعا لجده لأمة الشيخ شمس الدين ابن الصائغ الأديب المشهور ثم لما جاوز العشرين ومات أبو سنة 86 تحول شافعيا وقال الحافظ في موضع آخر ثم لما تيقظ ونبى تحول شافعيا. Donc il est dit, lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il a commencé l'acquisition et l'apprentissage du savoir, comme on l'a dit précédemment, au départ il était d'obédience hanafite, et c'est bien plus tard, après la mort de son père, qui sera d'obédience shafi'ite. Et sami'a al-kathir min mashayikh waqtihi kal-burhan al-amadi wa al-bulqini wa zayn al-iraqi wa al-haythami wa ghayrihim. Et donc il a appris auprès de nombreux savants de son époque. Il a appris auprès de nombreux professeurs et mashayikh de son époque. Qala al-hafidha aidan wa sami'a min shuyukhina ومن من قبلهم قليلا. Et même le Hafid ibn Hajar, il dit que l'imam al-Maqrizi a même appris auprès de certains mashaykh à lui, de mashaykhina, il dit certains professeurs et enseignants de le Hafid ibn Hajar, l'imam al-Maqrizi avait appris auprès d'eux aussi, jusqu'à ce que al-Hafid al-Sakhawi est célèbre, hein, c'est un grand savant qui était célèbre dans l'ilm al-Hadith. Il était célèbre pour ses critiques dans la science du hadith. Très érudit dans la science du hadith. Et les écrits d'Al-Hafid ibn Hajar et les écrits de Sakhawi, fi Mustalah al-Hadith, sont célèbres. C'est pour ça que les étudiants qui étudient la science du hadith, on parle de la terminologie, hein, Mustalah al-Hadith. Lorsqu'ils étudient chez l'ulama, parmi les livres enseignés, les livres d'Al-Hafid ibn Hajar, mais aussi de Sakhawi. D'Al-Hafid al-Sakhawi. Al-Sakhawi disait قَرَأْتُ بِخَطِّهِ أَنَّ شُيُوخَهُ بَلَغَتْ 600 نفس. Al-Sakhawi disait que j'ai moi-même lu de sa main, de son écriture. C'est-à-dire que Al-Sakhawi, il dit qu'il a lu de l'écriture de l'auteur lui-même, l'imam al-Maqrizi, qu'il avait appris auprès de plus de 600 enseignants, mashayikh. Il avait appris l'ilm, le savoir, auprès de plus de 600 maîtres. Wa tafaqqaha wa bara wa nazara fi iddati funun wa awla'a bit-tarikh wa jama'a minhu shay'an kathira. Et donc vous avez vu ça à chaque fois, c'est pour ça que lire les biographies des grands imams, des grands savants, que ce soit des savants contemporains ou des savants des générations précédentes, c'est un grand rappel pour nous. Il faut lire dans la biographie des grands imams, des grands savants, qui sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à plus forte raison, à fortiori, lire la biographie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des hommes qui ont environné et accompagné le prophète, des femmes aussi qui ont accompagné le prophète, les successeurs des compagnons, zaman al-tabi'in, mais aussi des grands ulamas qui sont venus dans les générations d'après. Quel imam Malik, ou Ahmed ibn Hanbal, ou Shafi'i, ou Abi Hanifa, ou Sufyan ibn Uyayna, ou Sufyan al-Thawri, ou Al-Awza'i, et des grands imams de notre nation. qu'Abdallah ibn al-Mubarak et d'autres. Jusqu'à nos savants contemporains. Pourquoi ? Parce que lire dans la biographie, c'est un encouragement. Lorsqu'on voit le comportement qu'ils ont atteint, la manière dont ils ont étudié, la manière dont ils ont appris, comment ils étaient disciplinés dans leur assise, dans leur manière d'enseigner. C'est ça dont on a besoin, d'apprendre le comportement, d'apprendre la manière d'apprendre. Et à force de lire dans les biographies, c'est là qu'on va se rendre compte et s'estimer soi-même à sa juste valeur. On va voir que nous, on n'a pas atteint ces degrés-là. Donc on ne peut pas devancer et outrepasser ces gens-là. Dans le sens, on ne peut pas faire ce qu'eux n'ont pas fait. Mais lorsque on ne lit pas dans les biographies des grands savants, on ne connaît pas qu'est-ce que l'ilm, qu'est-ce que la science, comment apprendre ce savoir, comment apprendre la discipline pour l'acquisition de ce savoir, alors faire que des shaylayati. Alors celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. C'est pour cela que l'ilm, le savoir, c'est une chose, mais qu'il soit mêlé avec une bonne éducation, tarbiya al-islamiyya, avec une bonne éducation religieuse, ça c'est autre chose. Il y en a qui portent un certain savoir, mais n'ont pas d'éducation religieuse. C'est-à-dire que ce savoir n'est pas accompagné des nobles moralités, du bon comportement que doit avoir le talib, l'étudiant d'une manière particulière et l'étudiante aussi d'une manière particulière, et le musulman d'une manière générale. C'est pour ça qu'à l'époque, des pieux prédécesseurs, la première chose que faisaient les disciples, c'est-à-dire les étudiants, lorsqu'ils allaient apprendre le savoir chez un maître, chez un shir, c'est qu'ils regardaient son comportement. Le comportement du shir. Et pour cela, la première chose aussi qu'ils prenaient du shir, c'était son comportement. Son comportement. Et ceux qui n'avaient pas de comportement, qui n'étaient pas connus pour leur comportement, alors talabat al-ilm n'affluait pas auprès d'eux. Mais les grands imams de leur temps, avant d'être connus pour leur ilm et leur science, ils étaient connus pour leur comportement, pour leur éthique, pour leur adab. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que du fait qu'eux l'ont hérité de leur maître, de leur shir, dont leur shir ont hérité de leur shir, et dont leur shir ont hérité de leur shir. Et ça remonte en génération comme cela. De ce fait, le talib, eh ben, il apprend le comportement qu'il se doit. Il apprend le adab qu'il se doit. Pour cela, l'importance de voyager et d'aller à la rencontre des savants. Ça ne nie pas et n'exclut pas le fait que même si on n'est pas en présence de savants, le fait d'apprendre quand même, d'apprendre, de lire, d'écouter, par la grâce d'Allah, les écrits et les enseignements des savants sont propagés dans le monde entier. Donc on peut apprendre et on peut écouter et on peut lire et étudier les œuvres et les enseignements de nos grands savants. Mais ça n'exclut pas aussi que le talib al-ilm, que l'étudiant, doit aller à la rencontre de ses mashayikh et doit prendre leur comportement. Et s'il ne va pas à la rencontre de ses mashayikh, alors essaie de prendre leur comportement à travers l'écoute de leurs cours, de leurs conférences. Et donc, comme on dit, le comportement est très important. Et ça a une grande place. Et c'est pour ça que les ulama sont d'abord connus pour leur adab et leur bonne application de cette religion et de ce qu'a enseigné le prophète. Ils sont les héritiers du prophète du fait qu'ils ont hérité l'ilm, la science qu'a laissé le prophète, et dans cette science, ils ont hérité du comportement qu'a enseigné et qu'a enseigné donc le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Comme il est dit dans la parole, dans le vers, وَتَشَبَّهُ فَإِنْ لَمْ تَكُونَ مِثْلَهُمْ تَشَبَّهُ وَإِنْ لَمْ تَكُونَ مِثْلَهُمْ إِنَّ تَشَبَّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Ressemblez-leur, même si vous n'êtes pas comme eux, car ressembler à ce qui est noble est une réussite en soi. Comme il est dit dans le vers, dans une traduction relative du vers du poème, وَتَشَبَّهُ وَإِنْ لَمْ تَكُونَ مِثْلَهُمْ. Ressemblez-leur, même si vous n'êtes pas comme eux. Même si on n'est pas des ulamas, mais au moins leur ressembler. Parce que ressembler à ce qui est noble, c'est une réussite en soi. C'est une réussite en soi. Donc l'auteur, ensuite, nous dit Al-Hafid ibn Hajar. Il nous dit en ce qui concerne Al-Imam al-Maqrizi. Et ça, c'est très important de connaître. Je commence toujours souvent par une biographie pour savoir de qui on va lire et de qui on va prendre le ilm. Al-Hafid ibn Hajar disait que, en ce qui concerne Al-Imam al-Maqrizi, il disait que c'est un imam expérimenté, aux compétences variées, habile, compétent, méticuleux, religieux et vertueux. Il aimait les traditionnistes et il était fidèle au hadith, à tel point qu'on le prit pour un zahiri, comme on l'a dit précédemment, un littéraliste. Et sa compagnie était agréable et son discours mielleux. Regardez. Comme c'est le Hafid ibn Hajar, il fait d'abord allusion aux compétences scientifiques de l'auteur, de l'imam al-Maqrizi. Et comme on l'a dit, c'est un contemporain. Et la parole de l'Hafid ibn Hajar, elle est immensément crédible du fait. Pourquoi ? Parce que c'est un spécialiste des biographies. Al-Hafid ibn Hajar. Il a de grands écrits dans les biographies des grands imams. Et là, il parle d'un contemporain. D'un contemporain en disant qu'il était habile, compétent, méticuleux, religieux, vertueux. Et c'est pour ça que ça, on se réjouit et ça nous encourage. Et en quelque sorte, on est content de prendre et de lire des écrits de gens qui étaient décrits par des sommités de leur temps, comme l'érudit Ibn Hajar, qui décrit cet homme de cette manière. Ça, c'est au niveau ilm. Et il le décrit au niveau comportement en deux mots, en quelques mots, et ça dénote le comportement de ce grand imam, c'est il était de compagnie très agréable. Al-ilm. Il était de compagnie très agréable, dit Al-Hafid, et son discours était mielleux, il dit. Et il avait un élève, un disciple, qui était connu. Al-Hafid, ou l'imam Al-Maqrizi, avait un disciple qui était connu, qui s'appelait Ibn Taghri Al-Bardi. C'était l'un de ses disciples célèbres. Et lui, il a donc appris auprès de l'imam Al-Maqrizi, et donc il l'a accompagné. C'était son élève, son disciple. Et lui, il dit, Ibn Taghri Al-Bardi, il dit, en ces mots, une traduction relative, regardez son témoignage. Il dit, en gros, il est le savant le plus illustre que nous n'ayons jamais vu dans les domaines de l'histoire. Regardez ce qu'il dit. Il est le savant le plus illustre que nous n'ayons jamais vu dans les domaines de l'histoire. Il dit, en sachant que j'ai une bonne connaissance des historiens qui lui furent contemporains. Mais la différence saute aux yeux. Rien ne sert de s'aveugler. Ici, ils ont traduit « rien ne sert de s'aveugler », c'est-à-dire, il dit en termes plus littéral, son élève, il dit « et rien ne sert d'être fanatique ». C'est-à-dire que l'élève veut nous dire qu'il ne fait pas du fanatisme et du ta'assoub de son cheikh, de son maître. Mais il dit qu'à son époque, bien sûr, il y avait des savants qui étaient spécialistes dans le domaine du tarikh, de l'histoire. Mais il dit lui était encore plus spécialiste du domaine de l'histoire. Regardez comment il le dit. Il dit, en sachant que j'ai une bonne connaissance des historiens qui lui furent contemporains, mais la différence, il dit, saute aux yeux. La différence est claire. C'est pour cela que un grand savant, l'érudit, Sadiq, ou Sadiq Hassan Khan, un savant célèbre, a retranscrit en grande partie le livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid dans son livre Din al-Khalis, dans un livre nommé Din al-Khalis. Ensuite, il a fait un commentaire. Il fit un commentaire. Sadiq Hassan Khan, il fit un commentaire en disant « C'est une perle rare. Qu'Allah récompense son auteur. Quelle éloquence et quelle faculté à guider les hommes sur le chemin du miséricordieux, sur le sentier de la foi et du paradis. Il expose de façon si exhaustive l'association, c'est-à-dire le shirk, en passant par ses formes, ses subdivisions, ses réalités et ses différents procédés. Il est probablement impossible de trouver un autre livre du genre aussi raffiné malgré sa concision. Subhanallah. Regardez le savant, comment il décrit Had al-Kitab. Il dit, il est probablement impossible de trouver un autre livre du genre aussi raffiné malgré sa concision. Subhanallah. Donc c'est vraiment un kitab immense, très important, qu'on va lire, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité l'étude, et qu'Allah, on lui demande de nous faciliter l'étude de ce livre et la compréhension de ce domaine at-tawhid, et de réaliser et d'appliquer ce pourquoi on a été créé. Et parmi d'autres savants qui ont fait justement l'éloge de ce livre, un autre savant disait, ce livre est unique en son genre, l'auteur y emprunte le style de Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, ses fruits se répandirent partout. Et c'est pour ça que même Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, de son vivant, il l'enseignait ce livre. Pourtant, c'est un muhaddith. Mais de son vivant, Cheikh Al-Albani enseignait ce livre, Tajrid, Al-Tawhid, Al-Mufid. Et comme de nombreux savants contemporains enseignaient ce livre. Et on verra que l'auteur, s'est beaucoup inspiré à son époque des écrits de Ibn Taymiyyah et de son grand disciple Ibn Qayyim. Mais en son temps, à l'époque, il était difficile d'évoquer leur nom publiquement. Et comme lui-même, Al-Maqrizi, dans ses khutat, il évoque cela. Que ce soit au Shem, à Damas, à l'époque au Shem, hein, dans tous ces pays, il était difficile d'évoquer les enseignements d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim. Alors, c'est pour ça que vous allez voir qu'en réalité, son écrit, il s'inspire de leurs écrits sans forcément attribuer les paroles à leurs auteurs. Mais sinon, certaines paroles, si vous méditez, vous observez, vous revenez, vous faites la recherche de certaines paroles qu'il mentionne, c'est pas des paroles à lui. C'est des paroles de certains grands imams comme Ibn Qayyim, surtout Ibn Qayyim. Il s'est beaucoup inspiré des écrits d'Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi. Mais il n'a pas mentionné cela à titre de sagesse. À titre de sagesse. Sinaktafi bihad al-qadr. On va s'arrêter là, Inch'Allah, en espérant qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite une prochaine assise demain, Inch'Allah, et on essaiera de commencer de rentrer dans l'écrit de l'auteur Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Sayyidina Allah Jalla wa Ala an yanfa'ana bihada al-ilm wa an yuwaffiqana bil-qawli thabiti wa an yuthabitana bil-qawli thabiti fi al-hayati al-dunya wa fi al-akhira kama nas'aluhu Jalla wa Ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا متقبلا ونسأله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة وسبحانك اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد